Chapitre 5. Les deux sœurs se regardèrent en hochant la tête. Quel caractère infernal, soupira Mademoiselle Mélanie. Et quelle dépravation précoce, ajouta charitablement Victoire, en baissant pudiquement les yeux. La receveuse des postes mordit ses lèvres minces. Nous avons été trop faibles, reprit-elle, et la faiblesse est un encouragement au péché. Il faudra que cette fille fût menée par une main de fer. Il faudrait flageller son orgueil et mortifier sa beauté dont elle est si belle. Eh, Seigneur, il n'y a pas tant de quoi, fit dédaigneusement Victoire. Je ne vois rien de beau dans ses yeux renfoncés et sa grande bouche. Là n'est pas la question, riposta sèchement Mademoiselle Mélanie. Elle se croit belle et d'autres le croient également. Voilà où est le mal. Il faut qu'elle ait en elle quelque chose de la perversité tentatrice du malin, pour que le juge, un homme si réservé, se soit oublié jusqu'à lui caresser les cheveux. Ses cheveux, s'écria Victoire, que les réflexions de sa sœur rendaient encore plus enragée. Je voudrais que le bon Dieu les lui fît tomber tous en une nuit. Ce serait un châtiment désirable, dans l'intérêt de son salut. Les deux sœurs échangèrent silencieusement une œillade significative. La même idée féroce, une idée capable de germer seulement dans le cerveau de vieilles filles vindicatives et jalouses, venait de leur traverser l'esprit. Si on les lui coupait, insinua Victoire à voix basse. Mélanie poussa un soupir. Elle ne se laisserait pas faire, et nous aurions quelque esclandre. La nuit, souffla du bout des lèvres la sœur cadette, se retournant après chaque mot, comme si elle eût craint de voir Rémy apparaître à la porte. Elle couche tête nue, et elle dort comme un plomb, avec les grands ciseaux du bureau. Cric ! Elle ébaucha le geste. En deux coups, ça sera fait. Mélanie restait muette et méditait. Les cheveux fixes, les lèvres rentrées. Assurément, ce serait sauver l'âme en châtiant le corps. Mais il faudrait s'y prendre adroitement, et pour ma part, je n'ai plus la main assez légère. D'ailleurs, il me vient des scrupules, que je voudrais auparavant soumettre à monsieur le curé. Je prends tout sur moi, interrompit impétueusement Victoire. Mademoiselle Mélanie baissa les yeux, leva les mains à la hauteur de sa tête, puis les laissa retomber avec un geste de résignation que Victoire interpréta immédiatement comme une autorisation tacite. Elle s'élança dans le bureau et en revint armée des ciseaux à couper la ficelle des paquets. Mademoiselle Chenu et aînée, tout en allumant son bougeoir, se sentit tourmentée d'un dernier scrupule. « Victoire, » dit-elle de sa voix sévère, « réfléchis encore. Si dans cette affaire, au lieu d'être poussée par un zèle purement chrétien, tu n'obéissais qu'à un mouvement charnel de jalousie, tu devrais t'abstenir. »« De jalousie ?» répliqua Victoire furieuse. « Et de quoi serais-je jalouse, Sainte Vierge ? Enfin, je te laisse la chose sur la conscience, » fit Mélanie, en gagnant prudemment sa chambre à coucher. Restée seule, Victoire s'assit et attendit que la maison fût redevenue complètement silencieuse. Elle avait posé les ciseaux sur la table, et pour se tenir en haleine, elle se représentait le geste du juge passant sa main sur les cheveux crêpés d'Aimé. Au bout d'une demi-heure, tout était quoi ? Dans le salon envahi par l'obscurité, on n'entendait plus que la respiration un peu courte de la grosse fille et tout au loin, par-delà les vitres closes, la vibrante musique des rossignols dans les jardins de l'abbatiale. Victoire défit ses chaussures pour plus de précaution, puis, dissimulant les ciseaux dans sa poche, tenant d'une main le chandelier et de l'autre, abritant la lumière contre les courants d'air, elle se glissa doucement à travers la cuisine jusqu'à la chambre d'Aimé. Une fois qu'elle eut entrebâillé la porte, elle posa la lumière sur une table et regarda. Les vêtements jetés sur une chaise en un tas formaient une masse sombre au pied du lit. Aimé, dans le plein de son premier sommeil, dormait profondément, le visage tourné vers le mur. Ses cheveux épars se détachaient sur la blancheur des draps. On entrevoyait parmi les boucles noires d'un bout d'oreille mignonne et, plus vaguement, la ligne gracieuse d'un profil perdu dans la pénombre. Victoire s'approcha, palpitante, ouvrit ses ciseaux et, soulevant lestement une masse de cheveux bouclés, les coupa net au ras de la nuque. Un second coup en trancha une nouvelle poignée. Mais le grincement des branches d'acier avait déjà troublé le sommeil de la jeune fille. Au moment où l'impitoyable tondeuse levait la main pour dégager une dernière touffe de cheveux, Aimé s'éveilla en sursaut et ses yeux encore alourdis distinguèrent sa tante qui reculait décontenancée. En même temps, les ciseaux que Victoire avait laissés sur le drap glissèrent bruyamment sur le carreau. Aimé, portant précipitamment ses mains à sa tête, s'aperçut de la barbare opération qu'on venait de pratiquer, elle bondit hors du lit en poussant un tel cri de colère et de douleur que Mademoiselle Mélanie, qui ne dormait pas, accourut, toute épeurée, en toilette de nuit. Les cheveux coupés jonchaient les pieds d'Aimée. Ses yeux verts, indignés, ne quittaient pas les yeux dévotes effarés et presque fascinés par ce regard étincelant. Elle avait levé ses bras nus et ses mains serraient sa tête comme pour défendre le reste de sa chevelure mutilée. La colère lui coupait la parole. Victoire s'était prudemment reculée jusqu'auprès de sa sœur. Ses rondes prunelles lorgnaient, avec une jalouse curiosité, ce délicat et blanc corps de jeune fille, dont la chemise déboutonnée révélait des beautés et des grâces que l'infortuné quadragénaire n'avait jamais connues, même en imagination. Et ses blancheurs laiteuses, ses ronds et purs contours, lui faisant mieux sentir encore son infériorité de fille mûre et fanée, redoublaient son dépit et ses rancunes. « C'est lâche ce que vous avez fait !» murmura enfin Aimée d'une voix sourde. « C'est méchant et c'est criminel !»« Ma nièce !» essaya de protester la revêche Mélanie. « Ma nièce, calmez-vous ! Tenez, allez-vous-en » reprit la jeune fille exaspérée. « Allez-vous-en, ou j'en fais autant à vos laides papillotes !» Elle avait ramassé les ciseaux et elle marchait résolument vers Victoire. La grosse fille, qui ne se sentait pas à son aise, lâcha pied la première et entraînant Mélanie. « Pardon ! Elle est capable de tout !» Une fois seule, elle prit la chandelle oubliée par Victoire et se regarda dans sa petite glace. Tout un côté de sa chevelure avait été mutilé. Elle saisit les ciseaux et coupa les boucles qui restaient. Quand elle eut rageusement consommé le sacrifice de sa chevelure et qu'elle se vit coiffée comme un garçon, alors seulement son désespoir éclata. Elle se jeta sur son lit les yeux en pleurs, le corps agité par des convulsions de colère, et elle enfouit sa tête dans les draps, qu'elle mordait pour qu'on n'entendît pas ses sanglots. Il y avait de tout dans la douleur qui secouait violemment le système nerveux de cet enfant de 16 ans. Regret cuisant de la perte de ses beaux cheveux dont elle s'enorgueillissait. Amer ressentiment de l'humiliation infligée par Victoire. Rébellion furieuse contre la tyrannie des deux vieilles filles. Au beau milieu de ses sanglots et de son désespoir, elle se releva brusquement. Une détermination subite venait d'éclore dans son cerveau. Elle courut à ses vêtements et s'habilla avec une hâte fébrile. Elle passait vivement ses jupes, et les lèvres serrées, les narines dilatées, les sourcils froncés, elle tirait le lacet de son corset avec des petits mouvements secs et précipités. Quand elle eut boutonné sa robe, elle prit dans sa malle de fortes bottines de cuir jaune, sa toque et le plaid qui lui avait servi pendant son voyage. Puis, coiffée et chaussée, ayant noué le tartan en écharpe autour de sa taille, elle prêta un moment l'oreille. Ses tantes n'étaient pas encore couchées. Elle les entendait marcher et chuchoter au premier étage. Elle n'avait pas la conscience bien tranquille et craignait sans doute un esclandre. Au bout de quelques minutes, l'escalier cria sous le pas pesant de Victoire. Aimée souffla la chandelle et se tint immobile dans l'angle de la porte. Bientôt elle distingua de l'autre côté de la cloison la respiration courte de la grosse fille. Victoire avait appliqué son œil à la serrure et l'épiait sa nièce. Le silence et l'obscurité de la chambre la rassurèrent probablement, car elle murmura à voix basse « Elle a éteint sa lumière et elle dort. Nous pouvons nous coucher. » L'escalier cria de nouveau. Les portes du premier se refermèrent et tout redevint tranquille. Aimée cependant ne bougeait pas de son encoignure, attendant prudemment que le sommeil la débarrassât de la surveillance des deux vieilles filles. Ce ne fut que longtemps après qu'elle se hasarda à ouvrir doucement sa fenêtre. Puis, accoudée au chambranle de pierre, elle reprit son attitude immobile et méditative. À deux pieds de la fenêtre, le jardin s'étendait en pente douce jusqu'au bord de l'aubette. Il faisait clair de lune, et de sa place, Aimée distinguait le courant du ruisseau sur lequel une planche étroite servait de passerelle pour gagner les prés. Au-delà de la prairie, dont les graminées en fleurs scintillaient comme des épis de diamants dans la clarté lunaire, le terrain se relevait et on apercevait, blanchâtre au milieu des champs plus sombres, le chemin qui montait en zigzag vers les bois d'Amoret. C'était par là qu'Aimée voulait s'enfuir, mais au moment de mettre son projet à exécution, elle en entrevoyait toutes les difficultés. Elle se demandait où elle irait une fois qu'elle aurait quitté la maison de ses tantes. Elle ignorait la direction des sentiers de la forêt, et d'ailleurs, l'eût-elle connue, l'embarras eût été le même, puisque pour elle, aucun chemin ne menait vers un logis hospitalier. Et pourtant, elle était lasse de la vie qu'elle menait, et elle était décidée à secouer le joug. Le sang des Finoëls bourdonnait dans ses artères, battait dans ses tempes, affluait à son cerveau, et faisant pousser de sauvages désirs de vie aventureuse en plein bois. Elle songeait à son aïeule, la fille du charbonnier, qui avait vécu dans cette maison et qui était morte d'ennui, et par une association d'idées toutes naturelles, elle pensa de nouveau à ce vieux Denis Finoël, son grand-oncle, qui vivait encore, disait-on, dans un coin de la forêt d'Amoret. C'était cette forêt dont elle voyait là-bas, au clair de lune, les lisières mystérieuses précédées d'une blanche colonnade de trembles au feuillage luisant. Pourquoi n'irait-elle pas à la découverte de Denis Finoël? Pourquoi ne demanderait-elle pas un asile à ce grand-oncle vers lequel l'attirait la secrète affinité du sang et de la race? La nuit était lumineuse et fraîche, une splendide nuit de mai. Les rayons de lune dansaient sur l'eau de la petite rivière. Ils faisaient courir un frisson argenté sur les feuilles des hêtres. Ils coloraient d'une phosphorescence bleuâtre les fines buées qui rampaient dans les fonds du Val Clavin. La brise apportait de pénétrantes senteurs végétales, confuses respirations des fleurs des bois et des prés. De tous côtés, les rossignols chantaient. C'était comme une invitation à la libre vie élémentaire de la nature sauvage. À force de fixer les yeux rêveurs sur les cimes boisées, Aimée croyait voir les feuillets s'incliner mollement vers elle, les nappes de clarté ruisselant sur les feuilles, sur les seigles verts, sur les hautes herbes des prés, semblaient allonger jusqu'à la fenêtre une route aérienne, un vaporeux escalier féerique. Les vagues harmonies de la nuit finissaient par bourdonner à ses oreilles comme une musique caressante déjà entendue jadis. L'hallucination devenait si forte qu'elle croyait distinguer dans ces bruits lointains la voix de la grande forêt mystérieuse qui lui murmurait « Viens sous mes arbres, c'est là qu'est ton pays, c'est là que tu retrouveras des amis. » Brusquement, elle enjamba la fenêtre, sauta dans le jardin, et sans se retourner, sans hésiter, tout d'un élan, elle s'enfuit vers les bois.